À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. Salut à tous et bienvenue à l'écoute d'Apocalypse, l'émission d'actualité musicale proposée par Horns Up. Et on va tout de suite commencer avec un morceau qui est en plein dans l'actualité puisque c'est un extrait du dernier Marduk. L'album s'appelle Frontvine et le morceau que je vous propose c'est Falaise Cauldron of Blood. Donc bah, Marduk, groupe de black metal ultra violent avec le chanteur Mortus qui est pour moi un des meilleurs chanteurs, sa voix est vraiment phénoménale. Complètement habité par la haine et la colère pure. Donc le groupe s'inspire avec cet album comme une bonne partie de sa discographie précédente de la guerre. Donc voilà, avec tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est une atmosphère ultra saturée, il y a une espèce de mitraillette blast beat qui n'arrête pas. Même si, comme depuis la sortie de Rome 5.2.12, il passe des morceaux un peu plus lents et un peu moins agression directe, on va dire. Donc voilà, ça fait partie maintenant de la composante Marduk, on commence à s'y être habitué, mais en tout cas l'album fait mouche. Je vous invite à lire la chronique de Léviathan pour avoir un autre avis, mais en tout cas pour moi ça me plaît énormément. Et Marduk a également sorti un clip du morceau Frontvine, et il se rend en concert donc le 22 dans une ville en Belgique dont je ne me souviens pas le nom, 22 février, et ensuite le 27 février à Paris, et le 1er à Toulouse, et ils sont donc en compagnie de Belphégor dont je vous parlais la semaine dernière. Ils sont en tournée, donc c'est Marduk la tête d'affiche et Belphégor qui fait la première partie, mais il y a également une première partie entre guillemets locale sur chaque concert. Donc si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur l'agenda d'Horns Up. Il y a plein d'infos sur tous les concerts en France et un petit peu en Belgique également. Voilà, et ben je vous propose tout de suite de s'écouter Falaise Cauldron of Blood de Marduk dans Apocalypse. C'est parti. Sorry, À l'instant, vous écoutiez Tribulation Shackles du groupe Execration, et c'était extrait de leur album Morbid Dimension, qui était sorti en 2014 et qui a remporté le Spellman Prison dans la catégorie Metal. C'est en gros l'équivalent d'un Grammy Awards, sauf que ça se passe en Norvège. Et donc, petit commentaire sur ces, entre guillemets, Grammy Awards norvégiens qui récompensent des groupes, bah déjà metal, ce qui n'existe pas par exemple en France pour les victoires de la musique, mais des groupes metal originaux et novateurs. Il y a eu entre autres Vertala qui, il n'y a pas longtemps, bon, ils ont aussi récompensé Mayhem et Enslaved qui sont des groupes plus classiques et plus connus, mais on est bien loin des canons tout le temps représentés aux Grammy Awards que sont Metallica à chaque fois qu'ils sortent un album, Black Sabbath pour le dernier album qui, bon, allez, c'est juste parce que c'est le dernier album de Black Sabbath qu'ils ont reçu, quoi, qui s'est vendu à la pelle. Donc voilà, les Grammy Awards américains, c'est vraiment la récompense de celui qui fera le plus de pognon, alors que là, c'est une récompense de la recherche musicale et l'innovation, ce qui me paraît beaucoup plus intelligent. Parce que oui, Execration, c'est du death metal, mais c'est donc déjà du metal extrême, ce qui ne sera jamais aux Grammy Awards, et encore moins aux victoires de la musique, mais c'est du death metal vraiment particulier, avec une... en sens de la composition assez originale. Voilà, le morceau que je vous ai proposé faisait plus de 8 minutes, assez lent, assez... Donc, bon, il y a des morceaux très rapides, mais celui-là était assez lent, prend le temps de poser une atmosphère. On sent pas mal de... ouais, d'influences qui viennent d'ailleurs, ouais, les structures sont surprenantes, enfin, voilà, c'est vraiment une recherche musicale qui est récompensée, et c'est quelque chose de très très bon. L'album est excellent, je vous recommande l'écoute si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est un pur plaisir. Et j'espère vous avoir donné envie de découvrir un peu plus ce groupe avec cet extrait. En tout cas, bravo à eux pour leur prix. La suite, c'est de nouveau du death metal, mais cette fois un peu plus classique, même si c'est bien bien bourrin. Ça s'appelle Nerve Cell, et le morceau c'est Amok Doctrine, cet extrait de l'album Psychogenocide, qui va être réédité très bientôt. Le groupe est en train de faire le remastering, etc. de l'album. Ils sont originaires de Dubaï, ce qui n'arrive pas souvent pour un groupe de metal. Je me permets donc de le signaler. Et le morceau donc Amok Doctrine, à l'occasion donc de la réédition de cet album Psychogenocide, bénéficie maintenant d'un clip que vous pouvez découvrir sur internet sans problème. Donc là, le morceau que je vais vous proposer, c'est la version originale de l'album, donc de la première sortie. C'est du death assez classique, c'est pas mal bourrin, on s'en prend plein les dents. La voix est un petit peu, dans les critiques négatives, un peu monocorde, un peu trop répétitive, même si de temps en temps il va pousser en cri un peu plus... rocailleux. Globalement, on reste dans le gros growl bien de chez nous, enfin pas de chez nous du coup vu qu'ils viennent de Dubaï, mais bien du fond de l'estomac. Ben voilà, c'est ce que je vous propose d'écouter tout de suite sur Apocalypse. The pearl of fear is a

Après de la brutalité death metal, quelque chose d'un peu plus aérien, même si ça bastonne quand il faut, c'était Blizzard at Sea avec le morceau Subjugated Apophenia, extrait de l'album Certain Structures qui était sorti en 2013. Cet album c'était leur deuxième et il fait déjà preuve d'une maturité assez exceptionnelle au niveau du son et du travail des guitares avec tout un tas d'effets, il est bien foutu, mais aussi au niveau de la composition. C'est assez original, on passe d'un passage plus aérien en moment où la hargne revient. Et c'est donc seulement leur deuxième album. Et il est en téléchargement libre, prix libre sur Bandcamp depuis quelques semaines, donc c'est pour ça que je vous en parle. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller vous le prendre en entier, ça vaut le coup. C'est du post-core aérien dans la veine dans Isis un petit peu. Très intéressant, très bien foutu. Si le morceau vous a plu, il y a de fortes chances pour que le reste de l'album aille de même. Je vous le recommande, c'est très bon. On continue avec la découverte de la semaine qui nous vient cette fois de Suisse. Et c'est du brutal gore death grind vraiment crado. Ça s'appelle Cacothanasy. Et c'est pas mal marrant parce qu'en fait, ils ont des titres assez incroyables. Le morceau que je vous propose, c'est... Accrochez-vous. The Treacher Collins Syndrome Related to the Pineapple's Angular Frequency. Je pourrais traduire, mais ça ne veut grosso modo pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est bourré de références scientifiques ou pseudo-scientifiques alliées avec des choses plus gore. Donc dans les paroles, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, puisque c'est assez incompréhensible, comme tout groupe de brutal death grind qui se respecte. Mais dans les titres, on trouve des références à Schrödinger qui côtoie rejet gastrique, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est assez marrant pour ceux qui aiment bien ce genre d'humour. L'EP est très dense, presque trop, parce que bah, du coup, c'est un espèce de... Enfin, c'est 6 morceaux, on s'en prend plein la gueule tout le temps, c'est l'agression pure, vous allez voir à l'écoute. Ce morceau-là est un petit peu plus lent, mais bon, ça reste vraiment brutal, quoi. Il y a une petite piste clavier qui permet d'aérer un petit peu tout ça, mais bon, ça suffit pas pour s'en remettre tout de suite après. Un album à écouter de manière pas 3 fois dans la journée, quoi. Sinon il y a saturation. Et donc voilà, c'est leur premier EP et ils vont bientôt sortir leur premier album, pas de date précise actuellement. Donc ce premier EP est en téléchargement libre sur Bandcamp, donc pareil si ça vous plaît, je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble de plus près. Donc voilà, découverte de la semaine, Cacothanasy, le morceau c'est The Treacher Collins Syndrome Related to the Pineapple's Angular Frequency. Et c'est extrait de l'EP Paroxide. C'est tout de suite dans Apocalypse. C'était Ultra Violent de Cavalera Conspiracy, extrait du premier album de ce groupe qui était la réunion en fait des frères Cavalera. Et l'album s'appelait Inflicted, c'était sorti en 2008 et participait notamment Joe Duplantier qui était à la basse et également un petit peu au chant. Il participe sur ce titre, c'est lui qui fait une espèce de grosse voix qui raconte Feel the agony, etc. etc. Donc voilà, Joe Duplantier de Gojira. Ce groupe Cavalera Conspiracy est pas hyper intéressant, enfin c'est un projet de Max Cavalera qui depuis quelques années quand même tourne un petit peu à vide, mais je vous en parle parce que c'est un petit peu un prétexte pour vous annoncer les derniers groupes qui seront présents au Hellfest, dont Cavalera Conspiracy. Voilà, un petit peu le lien se fait, et c'était la dernière annonce qui annonçait je crois 6 ou 7 groupes en tout. Donc en plus de Cavalera Conspiracy, il y a L7OA's Monarch, ça je pense que ça peut faire pas mal de douleurs Monarch, en live, Motionless in White et We Are Harlot. Donc voilà, c'était la dernière annonce du Hellfest. Sinon, Cavalera Conspiracy, voilà, c'est 3 albums de metal moderne, on va dire. Pas grand chose à dire si ce n'est que c'est pas d'une originalité débordante et qu'ils ont quand même sorti une pochette vraiment moche sur le dernier album Pandemonium. Si vous voulez vous marrer en coup, allez-y. Voilà, je dis du mal, je parle mal de ce groupe. Mais voilà, ouais, c'est vrai que Cavalera Max n'a pas. Ouais, commence à tourner à vide depuis Dark Ages de Soulfly, sorti en 2005. Ben, c'est un petit peu triste à dire, mais le monsieur, il sait plus faire grand-chose de très très original et de très très réjouissant. Mais bon, c'est toujours sympa, écoutez, voilà, un morceau de temps en temps, c'est pas non plus à vomir. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce groupe, on enchaîne. Et on enchaîne avec du métal un petit peu de niche, métal alors qui s'appelle Mesopotamian Black Metal, donc c'est en gros black metal avec des sonorités un petit peu orientales du Moyen-Orient, voire d'un petit peu plus loin. Et le groupe, bah, c'est le groupe phare dans le style, là pour le coup c'est un groupe assez connu, c'est Melechesh. Et ils ont annoncé un nouvel album qui s'appellera Enki, qui sortira le 27 février prochain. Et il y a encore du Cavalera dans cette petite chronique, puisqu'il sera invité de l'album, ainsi que Soki Stolis de Rotting Christ et Rob Caggiano de Voltbeat. Donc le 27 février, Enki, prochain album de Melechesh. Mais le morceau que je vous propose, c'est Ladan to Sumeria, qui est sorti, qui est passé sur l'album Amy Sherry's, sorti en 2006. Et à l'occasion de cet album, j'avais trouvé une interview du leader de Melechesh et compositeur principal, qui expliquait un petit peu la manière de composer du groupe, et j'avais trouvé ça très intéressant, parce qu'ils ont vraiment un son particulier, et dès qu'on entend ça, on sent vraiment que ça vient pas d'Europe, et qu'il y a une influence orientale. Et en fait, il expliquait dans cette interview que pour composer les riffs de Melechesh, il prenait donc une guitare normale, sauf qu'il imaginait qu'il jouait sur une sitar, donc un instrument classique du Moyen-Orient, ils sont originaires d'Israël. Et donc bah, il compose ces morceaux comme s'il jouait sur une sitar. Donc ça donne cette espèce de son vraiment particulier et vraiment ce qui fait l'appellation mésopotamienne. Donc sinon dans la voix c'est très très black metal et aussi même si elle a cette chaleur un peu orientale, ça reste assez froid. Ce morceau est vraiment très bon, il y a un passage à la double pédale assez impressionnant qui remue les tripes. Et le groupe continue son bon de chemin depuis quelques années. Tout en restant dans leur style un peu, entre guillemets, cloisonné, puisqu'ils ont inventé quelque chose vraiment de niche, et ils s'y tiennent pas mal. C'est toujours agréable à écouter, mais original pour la première fois qu'on découvre, mais ensuite il y a un peu de redite, mine de rien. Donc voilà, à écouter par curiosité si ça vous plaît. En tout cas, le prochain album, c'est le 27 février, et un trailer est déjà disponible sur le Ternet. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Voilà, tout de suite, c'est Melechesh dans Apocalypse. C'était le dernier morceau de cette édition d'Apocalypse, et c'était le groupe Zao avec le morceau Physician L Thyself, extrait de leur album sorti en 2006 qui s'appelait The Fear Is What Keeps Us Here. Alors Zao, c'est un groupe extrêmement difficile à cataloguer. C'est du metal hardcore un peu bordélique, on sait pas trop si c'est metalcore, mais ça l'est pas vraiment parce que c'est pas, ça sonne pas ça, c'est beaucoup plus cracra dans le son. On pourrait penser un petit peu en Converge par exemple. Et en même temps, c'est vraiment difficilement classable. Ils se revendiquent chrétiens, les membres sont chrétiens. Phénomène qui est de plus en plus courant, mais quand même assez marginal dans le métal. Et ils ont une caractéristique, en tout cas le groupe en line-up vraiment instable. Ça bouge pas mal, ils ont une liste assez incroyable d'anciens membres. Et leur dernière sortie datée de 2009, mais bonne nouvelle, ils ont annoncé une sortie d'un nouvel album bientôt. Alors, pas de date précise, pas de tracklist, pas de pochette, pas plus d'infos. Mais en tout cas, Zao est en studio, ou au moins en phase de composition, et prépare une suite à leur discographie. Donc voilà, c'est pas plus d'actualité pour le groupe. C'est le moment pour moi de vous dire au revoir et puis à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi et je vous enverrai vous faire foutre. Voilà. Bien sûr que non, toujours ouvert la discussion. On se retrouve d'ici là la semaine prochaine et n'oubliez pas de parcourir les pages d'Horns Up. Vous trouverez sans doute des petites pépites à vous mettre dans les oreilles. Bonne semaine à tous et à la prochaine.